Rencontre avec Dominique Manotti. Un petit troquet du 20e arrondissement de Paris, une dame pousse la lourde porte et pose son regard sur l'enregistreur planté sur la table. Salutations chaleureuses, on va parler roman noir, littérature policière et élargir la perspective. Comment un bon polar peut être un outil pour déconstruire ce vieux monde ? Ancienne des cahiers de mai. Membre de la CFDT dans les années 70, tendance syndicaliste révolutionnaire. Professeure d'histoire à l'université, romancière sur le tard, elle possède une écriture tranchante, renseignée et méthodique. Elle excelle dans le genre du polar. Premier roman en 1995, Sombre Sentier. La trame se joue au cœur d'une grève d'ouvriers du textile travaillant dans le quartier du Sentier, à Paris. Tout s'emballe très vite. On est happé par le parcours des deux personnages principaux et par la résolution de l'intrigue. En toile de fond, les enjeux sociaux de l'exploitation humaine et la réalité des travailleurs immigrés et clandestins. La vraie histoire dont elle s'inspire, cette grève dans le Sentier, avait eu lieu au début des années 80 et s'était soldée par la régularisation de milliers de travailleurs sans papier. Après cette claque, Dominique Manotti enchaîne les bouquins, une douzaine depuis le premier. Nous n'allons pas tous les citer. Nous évoquerons Lorraine Connexion, publiée chez Rivage en 2006. Fresque de la décomposition sociale. Un accident de travail sur une chaîne de montage. Une grève, l'usine en feu, un patron qui s'enfuit avec un gros paquet de fric, une ville de Lorraine qui part à la dérive. Du contremaître au milieu d'affaires internationaux, en passant par des notables aux dents longues, l'intrigue se noue autour des rapports de pouvoir et de domination. Un cocktail explosif, criant de vérité et encore une fois basé sur une histoire vraie. Business is business, comme dirait l'autre. Dominique Manotti publie son dernier roman au printemps 2018, Racket, aux éditions Les Arènes. L'action tourne autour du rachat d'un fleuron français de l'industrie du nucléaire, Alstom, par un géant américain, General Electric. Les États-Unis n'ont jamais perdu un marché et leur mécanique est bien huilée pour y parvenir. C'est ultra documenté, au chiffre près, et d'une précision redoutable. On a l'impression d'y être. Tous les rouages du système économique et politique sont mis à nu. La pédagogie de l'auteur, mais surtout l'envie effrénée de tourner les pages jusqu'à la dernière, nous amène à comprendre des situations et enjeux parfois complexes. Un outil peut-être mieux que des dizaines d'heures de cours d'économie ou de droit. En introduction d'un de ses bouquins, elle disait « Ceci est un roman, tout est vérité, tout est mensonge. On est toujours à la frontière entre réalité et fiction, et ça fait flipper. » Ici, t'es sur FPP 106.3. Bonjour, Dominique Manotti. Bonjour. T'as publié ton dernier roman, Racket, aux éditions Les Arènes, au printemps dernier. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle de manière assez resserrée pour laisser quand même le suspense à ceux qui vont le lire ? C'est une forme très particulière de suspense parce que dès le début, on connaît la fin quand même. La question, c'est comment on y arrive à cette fin-là. Je me suis inspirée de l'histoire d'Alstom et du rachat d'Alstom par General Electric, l'Américain. Une entreprise vitale pour la France, puisque c'est elle qui fait les turbines de tout ce qui est nucléaire, entre autres, mais aussi de l'hydraulique, etc., etc., enfin toutes les turbines. Et je me suis intéressée à cette histoire, je l'ai étudiée, et ensuite je l'ai romancée. Voilà. C'est-à-dire que j'ai créé des personnages. Mais la trame de l'histoire est celle du rachat d'Alstom par General Electric. Ce que tu décris dans ton livre, c'est au chiffre près la même chose que ce qui s'est passé dans la réalité. Ce que j'ai dit, c'est que je fonctionne de la façon suivante. Quand un sujet m'intéresse, que je pense que c'est un bon sujet, que j'ai envie d'écrire un roman dessus, je commence par faire de la documentation. Et tout ce que je trouve comme fait établi, je le garde. Et je m'impose la contrainte. Il y a des hommes littéraires, des écrivains, qui s'imposent des contraintes formelles. Bon, sans parler de Pérec, son roman Sans eux, etc. Mais voilà, c'est des systèmes de contraintes. Moi, ma contrainte, c'est que les faits établis, je ne les change pas. Je structure mon histoire avec eux. Je ne les touche pas. Dans Alstom, là, dans l'histoire de Raquette, la seule chose que j'ai changée, c'est que j'ai raccourci la chronologie. C'est-à-dire que je n'ai pas bousculé les événements les uns par rapport aux autres, mais j'ai raccourci le tout pour une raison très simple, c'est que le temps des affaires est un temps quand même assez long. Et moi, en tant que romancière, j'ai besoin d'un temps court pour faire vivre mon personnage. Voilà, c'est tout. Mais les faits sont strictement authentiques. Ce qui se passe, si tu veux, c'est que j'invente dans deux domaines. Le premier, c'est que chaque fait, autour de chaque fait, il y a des zones d'ombre. Moi, ce que j'appelle des trous noirs d'habitude, si tu veux. Alors, je vais prendre l'exemple de la première histoire par laquelle s'ouvre le livre, comme ça on ne déflore pas le contenu. Un cadre très supérieur d'Alstom est arrêté aux États-Unis le 13 avril 2013. Je te signale qu'il est toujours en tôle. Bon. Aux États-Unis. Et à partir de là, si tu veux, il est utilisé comme une menace pour faire peur à l'ensemble de l'entreprise et enclencher la mécanique de dialogue autour de la vente. Bien. Ça, c'est le fait tel qu'il est rapporté. Là, j'ai le droit de me poser des questions. Il y a plein de zones d'ombre sur lesquelles je ne trouve rien dans les documents, dans la presse, dans les livres, etc. Exemple d'une question, pourquoi lui ? Des cadres supérieurs d'Alstom qui se baladent aux États-Unis, il y en a des tonnes, qui ont été mêlés à des transactions douteuses en dollars, il y en a des tonnes. Pourquoi lui ? Alors ça, je l'invente. Pourquoi c'est sur lui que ça tombe ? Pourquoi c'est lui qui choisit ses Américains ? Ça, je l'invente. Bon, tu vois la mécanique. Et la deuxième chose, c'est que tous les personnages principaux sont inventés. Donc je situe par exemple les personnages principaux, non pas au niveau du grand patron de Alstom, mais au niveau d'un conseiller. Donc d'un personnage, on ne sait même pas s'il a existé. Mais si c'est crédible qu'il ait un rôle dans l'histoire. Donc je l'invente, voilà. Tu vas les découvrir, les vicieux. Pas ceux que tu connais d'habitude. Moi, je te parle des vrais. Ceux qui ont les grandes dents. Ils vont te bectaresse tout cru, les vilains. C'est vrai que tu nous expliques cette notion d'extraterritorialité sur laquelle se base ton roman. C'est une traduction en termes de droit d'un rapport de force. Enfin, c'est tout. C'est-à-dire, on peut dire que le droit, c'est toujours comme ça. Mais là, c'est clair. C'est absolument clair. C'est-à-dire que les États-Unis sont la puissance dominante. Un des instruments majeurs de leur domination, c'est l'instauration du dollar comme monnaie d'échange internationale après la Seconde Guerre mondiale. Mais tu vois bien que ça n'est possible que suite à la Deuxième Guerre mondiale et comme traduction sur le plan financier d'un rapport de force. Dans la partie occidentale du monde, les États-Unis ont gagné la guerre. C'est pas vrai sur le plan strictement militaire. Les Allemands ont été battus par les Soviétiques, mais c'est pas comme ça que ça se traduit en 45. Donc, les Américains imposent le dollar. Dans un premier temps, le dollar est fondé sur l'or. Il est un équivalent or. Ce qui implique toute une série de choses, on ne va pas entrer dans le détail, mais ce qui implique une rigueur budgétaire au niveau des États-Unis pour maintenir leur monnaie alignée sur l'or. 72, Nixon. C'est là que ça commence. Il déconnecte le dollar de l'or. Et sa phrase, qui est géniale, c'est « Le dollar, c'est notre monnaie et votre problème. » C'est fondamental, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis, ils font marcher la planche à billets. Et c'est terminé. C'est terminé. Ils sont maîtres de la monnaie. À partir du moment où ils ont imposé ce rapport de force, suit l'extraterritorialité. Qu'est-ce que c'est que l'extraterritorialité au niveau du droit? C'est simplement la traduction de la domination américaine et du dollar. C'est tout. C'est-à-dire, à partir du moment où une transaction à l'échelle mondiale s'opère en dollars, les États-Unis appliquent la loi américaine. Partout dans le monde où la transaction est faite en dollars, 85% des transactions mondiales sont faites en dollars. Et le système bancaire américain est tellement puissant que l'idée qu'on va imposer l'euro est une idée farfelue. Voilà, c'est ça l'extraterritorialité. Et maintenant, ils viennent de faire, avec la crise de 2008, un nouveau pas dans l'extraterritorialité qui est tout aussi génial. On va voir les conséquences bien. Enfin, on les voit déjà. Les Américains ont mené un combat contre le secret bancaire. Ils ont imposé à la Suisse et en principe à toute une série d'autres paradis fiscaux, mais en gros, il n'y a que les gros paradis fiscaux qui la pratiquent. S'ils déposent des demandes sur des citoyens américains, ils sont obligés de répondre à ces demandes. Ça, c'est ce que les Américains ont imposé. Et les Européens ont suivi. Et de fait, dans des pays comme la Suisse, etc., il y a de plus en plus, si tu veux, une certaine transparence. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ça, c'est bon dans le sens, les Américains demandent à l'étranger. Si l'étranger demande aux États-Unis, résultat, depuis la crise de 2008, les États-Unis sont devenus le plus grand paradis fiscal. Ce sont des traductions au niveau des superstructures d'un pur et simple rapport de force. Donc pour parler de la méthodologie que tu utilises pour écrire, tous les événements après dont tu parles dans tes romans sont très précis, très documentés, très renseignés. Comment tu travailles? Est-ce que tu fais que de la recherche? Est-ce que tu es investi aussi dans certaines luttes? Ou est-ce que carrément même il y a des gens qui te renseignent? Parce qu'au-delà des luttes des ouvriers, tu décris très précisément le fonctionnement d'une entreprise dans ses hautes sphères. Tu parles d'un rendez-vous d'affaires au Plaza Athénée, on a l'impression d'y être. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour toi? Est-ce qu'il y a des cadres d'entreprise qui te renseignent? Ou est-ce que c'est que du travail de documentation? Alors, la réponse, elle est différente suivant chaque roman. Si tu veux. Bon, Sombre Sentier, j'ai fait toute la... Enfin, j'étais à ce moment-là en responsabilité dans le syndicalisme. Et j'ai été acteur du début à la fin de cette histoire. Donc, ce sur quoi j'ai travaillé, c'était mes notes personnelles. J'ai repris mes notes pour faire le roman. Donc, voilà. Et ça, c'est un cas exceptionnel. Lorraine Connexion, qui est un autre sur la fin de la sidérurgie en Lorraine, quand j'ai décidé d'écrire le roman, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur place. Bon, et j'ai discuté avec tous les gens que j'ai pu. L'usine était fermée puisqu'elle était détruite. Et j'ai discuté avec tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le coin, si tu veux. Ce qui m'a énormément frappé dans Lorraine Connexion, c'est le désarroi total des gens, des militants. Total. À un moment dans le roman, il y en a un qui dit comment gérer la grève. Ceux qui savent, ils ne sont pas là. Et nous, on ne sait pas. Et ce sentiment terrible, quand je suis arrivée, la première des choses que je leur ai demandé, c'est... Ils occupaient, hein, quand l'incendie a été mis. Les registres d'entrée, vous avez suivi les gens? Qui est entré à ce moment-là? Et ils m'ont dit, on était bien au poste de garde, mais on n'inscrivait rien. Moi qui ai un passé de syndicaliste, la première des choses qu'on faisait quand on occupait une usine ou un bureau, c'est pareil, je veux dire. Quand on occupe, on contrôle les entrées et les sorties. C'est la première des choses qu'on fait. Et on le contrôle par écrit. Et on contrôle les identités des gens qui entrent. Il y avait un savoir-faire de la lutte ouvrière. Et c'est la première chose qui m'a terriblement frappée dans le cas de Lorraine Connexion, c'est que ce savoir-faire avait totalement disparu. Après, je leur ai posé toute une série de questions, mais vous n'avez pas demandé, vous aviez un comité d'entreprise, vous n'avez pas demandé une expertise d'un expert comptable sur la façon dont fonctionnait cette usine. Ils m'ont dit si, on a demandé. Ah, Et alors, qu'est-ce que dit le rapport? Et c'était 2 ans avant l'incendie. Qu'est-ce que dit le rapport? Eh bien, on n'a rien compris. Qu'est-ce que vous avez fait du papier? Ben, on ne sait pas. Bon, les archives avaient brûlé, pas la peine d'essayer de les avoir du côté de la direction. Alors, on a fait le tour. Ensemble, ils ont reconstitué la liste des gens du comité d'entreprise, des élus du comité d'entreprise. Et on est allé faire ensemble le tour de tous ces élus. Et on a fini par en trouver un qui, par hasard, avait gardé le rapport. Et donc, mon histoire sur l'embrouille économique, elle repose sur ce rapport d'expert. Voilà, tu vois, ce sont des méthodes différentes à chaque fois. Mais bien sûr, je fais toujours un travail de documentation et je fais toujours aussi un travail sur le terrain. Et si je connais bien les milieux en entreprise, c'est que par mon origine familiale, je viens de ce milieu-là. J'ai rompu depuis très longtemps, mais je connais bien. L'objectif général de tous les romans, de l'ensemble, que je poursuis par petites touches, hein, c'est évident que je n'ai pas un plan d'ensemble, pas du tout, mais j'ai un objectif d'ensemble, c'est d'essayer de raconter, et de raconter de façon suffisamment approfondie pour essayer de comprendre pourquoi et comment ma génération s'est plantée. Voilà. L'objectif d'ensemble, c'est ça. Lorraine Connexion, c'est une des étapes graves de cet échec. Grave. Grave. Tu ne peux pas gagner si tu laisses détruire ton propre passé. La chose absolument sidérante dans les histoires de Lorraine Connexion, s'il y en a deux, il y a une qui n'est pas sidérante, qui est le mécanisme patronal. C'est-à-dire qu'en clair, de façon très très claire, et ça apparaît bien dans Lorraine Connexion, l'objectif d'une usine, c'est pas de produire des produits. L'objectif d'une usine, c'est de faire du profit. Et ça, c'est vachement important à comprendre. C'est un des points essentiels de Marx. Mais ça, c'est fondamental. Et ça apparaît tellement dans les histoires de la Lorraine post-sidérurgique, si tu veux. Tellement. Avec une telle force. Toutes ces usines, elles avaient le même mécanisme. On les appelait à l'époque les usines tournevis. Parce que c'était des usines qui ne faisaient aucun investissement. Parce qu'elles s'en foutaient. Elles étaient là pour les subventions. Elles se foutaient pour capter les subventions. Elles se foutaient d'investissement, elles se foutaient de la production. Donc ça, si tu veux, pour moi, c'était ça fondamentalement qui m'intéressait. Bien montrer ça. Je fais une histoire que j'essaye de rendre passionnante. C'est réussi si on s'intéresse au personnage, si on accroche à l'histoire. Bon, ça c'était la première chose. Donc, et ce mécanisme-là, alors qu'intellectuellement on le connaissait, on a été incapable de nous insérer dedans pour le combattre. On a été complètement incapable. Et la façon dont on a laissé mourir la culture ouvrière, c'est dramatique. Le ciel de Paris, une chose est bien sûre. Si les émeutiers s'amusent, j'envisage un futur. départ par désespoir. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Parce que, si tu veux, je n'ai jamais cru que le gouvernement Mitterrand, le gouvernement socialiste et Mitterrand, pouvait représenter, pouvait s'intégrer dans la perspective de changement de société qui m'avait motivée pendant 20 ans. Moi, les années 60 et les années 70, tout ce que j'ai fait, j'avais des projets de changement de la société. Je ne faisais pas ça au jour le jour, si tu veux. Et je n'ai jamais cru à l'adéquation entre ça et le projet mitterrandien. Et, si tu veux, ce qui était le plus frappant pour quelqu'un comme moi, c'est que les gens y croyaient à Mitterrand. Et, si tu veux, Mitterrand a vraiment eu un soutien de masse. Ça aurait été une petite manip en haut des structures politiques, etc. On en a vu d'autres, hein. Mais là, il avait une adhésion populaire large. Ce qui veut dire que tout ce qu'on avait essayé de tenter, que ça n'avait pas marqué. Ça n'avait pas marqué. De l'intérieur de la CFDT, c'était extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que tous ces gens avec lesquels je m'étais battue, qui pendant des années avaient parlé de l'autonomie des luttes, de l'autogestion. Alors l'autogestion, moi, marxiste, tu vois, bon, je n'ai jamais prononcé le mot. Mais on pouvait croire qu'eux y croyaient. En plus, si tu veux, ces gens que j'ai connus à la CFDT, c'était les gens qui avaient fait la déconfessionnalisation de la CFDT en 64. Et c'était des gens remarquables et franchement des battants. Des gens vraiment... j'ai rencontré des gens formidables. Vraiment. Ceux-là, c'était sur la touche. Et les responsables de la CFDT de l'époque se sont engouffrés dans l'affaire Mitterrand. Engouffrés. Donc, si tu veux, c'était désespérant. Et toi, tu parles aussi de l'échec d'une génération. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ? Et dans les années 60, on croyait vraiment qu'on allait changer la société. Et on ne le croyait pas de façon absurde. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements de fond très importants qui mettaient en mouvement des masses énormes à l'échelle mondiale. Bon, il y avait tous les mouvements de libération nationale dans lesquels on a beaucoup cru, parce qu'il faut bien voir aussi, si tu veux, que si ça a foiré comme ça a foiré, c'est aussi, par exemple en Afrique noire, chaque fois qu'il y avait... un responsable politique un peu intègre et intelligent, il était exécuté. Bon, on a pris les grands moyens quand même dans ce cadre-là. Bon, tu avais des mouvements importants aussi en Amérique latine et en Asie. Bon, il y avait tous ces mouvements, il y avait le début des non-alignés, il y avait tous ces trucs-là, il y avait des penseurs comme Frantz Fanon, il y avait tout ce mouvement intellectuel très profond et politique très profond. Et puis, dans les pays développés, il y avait une montée des luttes ouvrières qui était très importante. Il y a eu des grandes grèves, des grandes manifs, des trucs très importants dans les années 60, avant 68. Il y avait Khrouchtchev et ce qui se passait en Ukraine. Et à ce moment-là, si tu veux, on a cru. Moi, je n'ai jamais été orthodoxe, je n'ai jamais été communiste orthodoxe, mais on a cru vraiment que le communisme soviétique était réformable. Ce qui est faux. Il n'est absolument pas réformable. L'histoire l'a prouvé. Et le PC français n'est pas réformable. Même dans des proportions, tout ça dans des proportions ahurissantes. Tu n'arrives pas à comprendre comment ça n'arrive pas à bouger, mais ça ne bouge pas, ça meurt debout. Donc à ce moment-là, on y a cru. On a cru, c'est pas qu'on était, on n'était pas vraiment khrouchtchevien, mais on croyait que Khrouchtchev allait débloquer des choses, allait enclencher une mécanique. Et 68 est exactement le produit de tout ça. Tu vois, c'est un mouvement vraiment énorme. C'est pas du tout résumable à une bande de jeunes à Nanterre. Hein. Bon, c'est un mouvement énorme qui a eu lieu dans le presque dans le monde entier. La seule comparaison que je trouve, moi, c'est 1848, 19e siècle, avec cette espèce de contagion. Bon, là, tu as eu le Japon, tu as eu l'Italie, tu as eu l'Allemagne, tu as eu la Tchécoslovaquie, enfin, je veux dire, la France, etc. Bon, et le Portugal juste derrière. Bon, je veux dire, ça, c'était vraiment... Mais c'était l'espèce d'explosion qui traduisait toutes ces années de mobilisation et d'espoir qu'on allait vraiment changer les choses, vraiment changer la société. Mais... Alors, on ne l'a pas fait, et les 68ards l'ont particulièrement pas fait. Particulièrement. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose, à mon avis, qui reste à l'actif de 68. Enfin, moi, j'ai été complètement à fond en 68. Hein. Mais il y a une... Mais 68, c'est une grande grève ouvrière. On oublie, il y a 10 millions de grévistes. C'est la plus grande grève qu'il y ait jamais eu en France. Au moment du Front populaire, il y avait 3 millions de grévistes. 68 a marqué, à mon avis, les seules choses qui restent de 68, c'est les trucs féminins. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a eu, et ça c'est aussi une histoire, moi j'ai adhéré au planning familial en 61. Il y avait une sacrée histoire aussi derrière ça. Ça n'est pas arrivé... Il y avait le planning familial depuis 15 ou 20 ans. Des gens qui se défonçaient, qui se battaient, qui... Bon, il y avait les avortements clandestins, enfin, mais il y avait les avortements clandestins d'aiguilles tricotées, puis il y avait aussi les toubibs qui le faisaient, et qui le faisaient de façon militante. J'en ai connu beaucoup. Bon. Et il y a eu le souci de l'inscrire dans les règles de fonctionnement de la société. C'est la seule chose qui a été inscrite dans les règles de fonctionnement de la société. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à casser. Bon, il y a des gens qui essayent de le casser, à mon avis, aux États-Unis, ils ont quand même une bonne chance d'arriver à le casser. Mais chez nous, en Europe, ça me semble plutôt acquis. Et ça, c'est le truc que nous n'avons pas fait sur tout le reste. Sur tout le reste. Toutes les luttes qu'on a menées, on n'a pas été capable de les traduire dans un ensemble de qui fige, qui institutionnalise le rapport de force à un moment donné. Comme toujours, quand tu montes, il faut gagner à ce moment-là. Et les mouvements d'évolution, de changement, les mouvements du type de la vague qui a conduit à 68, sont généralement beaucoup plus brefs que la phase de dépression qui suit. Donc là, on est en plein dedans. Moi, il y avait un point qui me semblait intéressant, après aussi, qui peut-être peut résonner chez toi, de par ton parcours, c'est la question du syndicalisme. Toi, tu as été dans le courant, on va dire, syndicalisme révolutionnaire de la CFDT. Je pense, si tu veux, que... Alors, je vais te donner des exemples pour que tu saisisses à quel point... La CFDT était surtout, si tu veux, une organisation démocratique. C'est-à-dire que les syndicats, c'est des organisations très éclatées. Hein. Bon. Et il y avait vraiment des niveaux de décision très, très bas. Moi, j'étais secrétaire générale de l'UD de Paris, de l'Union départementale de Paris. Quand on a décidé de soutenir la lutte des Turcs, on était tout seul de cet avis-là. Et la fédération Acutex, la fédération du textile, ils étaient convaincus qu'on allait à la boucherie. Ils nous ont demandé d'arrêter. Ils nous ont demandé d'arrêter, on n'a pas arrêté. Et on a continué, on a gagné. C'est un truc là, si tu veux, qui ne peut pas se passer à l'intérieur de la CGT. C'est la raison pour laquelle j'étais à la CFDT, pas à la CGT. Ça ne peut pas se passer à la CGT. À la CGT, tu as les mêmes structures apparentes, mais elles ne fonctionnent pas de la même façon. Tu veux dire qu'il y avait un genre d'horizontalité? Ah oui, ah ouais, très forte. Qui n'existe plus dans le syndicalisme aujourd'hui, non. Quel que soit le... Non, parce que... Alors, maintenant, pourquoi je pense que le syndicalisme est mort? Pourquoi? Je pourrais te raconter, si tu veux, certains trucs pour que tu comprennes à quel point il y avait des gens formidables là-dedans. Bon, par exemple, une femme comme Jeannette Lahotte, qui était secrétaire générale adjointe, était une catholique. Elle avait eu une fille sans être mariée, mais ça avait été un drame, mais elle l'avait élevée. C'était très dur pour elle. Elle avait vécu une vie très dure. Cette femme s'est battue pour l'avortement. Mais à fond. Il y avait un mouvement qui s'appelait le MLAC, qui était mouvement de libération, avortement, contraception, qui a existé après 68 et qui a arrêté quand la loi est passée. Jeannette Lahotte s'est battue pour obtenir l'aval de la direction de la CFDT pour être présidente du MLAC. Bon. Et elle était très stricte là-dessus. Elle disait, moi, j'ai des convictions, j'avorterai pas. Mais c'est un droit. C'est un droit, je veux dire. Pourquoi empêcherait-on une femme qui n'est pas catholique d'avorter ? Tu vois, c'est vachement important. Et elle a obtenu l'accord, ce que jamais la CGT n'a fait. Jamais. Jamais. La CGT n'a jamais lutté avec le MLAC ou avec le planning. La CFDT a été Jeannette Lahotte, secrétaire générale adjointe de la CFDT, a été présidente du MLAC. Tu vois, c'est un mouvement où il se passait des choses, vraiment. Vraiment. Bon, alors pourquoi je crois que c'est mort ? Parce que il y a un truc, si tu veux, c'est que dans toutes les communautés, bon, communauté ouvrière, une usine, une entreprise, etc., il y a des gens qui ont envie de faire des choses. On va les appeler, pour faire vite, des élites. Mais ce n'est pas le sens d'élite, c'est le sens d'élite au sens de envie de faire des choses. Pendant très longtemps, ces gens-là sont allés au syndicat. Maintenant, ils n'y vont plus. Alors ça ne reprendra jamais. Si tu n'as pas ces gens-là avec toi, eux, ils vont ailleurs. Ils cherchent autre chose. Enfin, moi, je le vis comme ça. Et dans mes rencontres, dans mes discussions, tout ça, je le vis comme ça. Je veux dire, les gens les plus intéressants, ils sont pas. Et ça, c'est, si tu veux, c'est un point, à mon avis, alors ça, ça n'est que mon avis, mais à mon avis, c'est un point irréversible. Tu peux pas l'inventer, cette force d'attraction. Pour revenir à quand même le cœur de tes livres, quand même, c'est le système de corruption en fait qui existe. Mmh. Toutes tes intrigues tournent autour quand même de gens corrompus. Bien jusqu'à sûr. Oui. Oui. Est-ce que c'est indépassable ? Est-ce que c'est inhérent au capitalisme ? Comment on dépasse la corruption ? Comment on peut dépasser le capitalisme ? Que ce soit inhérent au capitalisme, j'en suis convaincue. Je suis convaincue, c'est-à-dire que c'est une société qui repose sur, la valeur, tout le discours sur les valeurs, c'est vraiment une vaste blague. La valeur, c'est l'argent. C'est les gens mesurent leur propre valeur à leurs propres yeux en fonction de l'argent qu'ils gagnent. Et gagnant de l'argent, ils sont capables de se mesurer avec le voisin qui en gagne plus ou qui en gagne moins. Et après, ceux qui ont l'imagination trouvent les moyens pour en faire plus en débordant. Et il y a une tolérance totale à tout ce qui est extra-légal pour se faire du fric. Donc, oui, je crois que c'est inhérent au système capitaliste. Le ciel de Paris, une chose est bien sûre. Si les émeutiers s'amusent, j'envisage un futur.